La fille du soleil. Siareiro, Shoya, Noya, Aboya, la fille du soleil. Ciel, miel, taille, soleil, la fille du soleil. Virlangue, mon piano n'a pas nié, mon panier n'a pas pied. Répétez. Le soleil brille. Ta fille est très gentille. Il voyage dans le ciel. J'adore le miel. Attention. Fil, fille. Ville, ville. Pays, paye. Répétez. Fil, fille. Ville, bille. Pays, paye. Répétez. Oya, boya. J'ai une abeille dans mon maillot. Baya Shoya. Le vitrail brille dans le portail. À bientôt.